Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Bonjour, ici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Domaine du Roi. Le personnel et les dirigeants de la Caisse sont honorés de supporter nos athlètes locales Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Suivez leurs exploits ainsi que ceux de tous nos Canadiens du 9 au 25 février 2018. Cassandra et Marianne, deux grandes fiertés. Des exemples de détermination pour notre collectivité et une preuve tangible qu'il a permis de rêver. Desjardins, partenaire incontournable de tous vos projets. On est avec Jason Lejeunesse du Marcos Pub de Saint-Félicien. Marcos Pub qui sont allés à Bécomo en fin de semaine jouer deux matchs. Salut Jason. Salut Danny. Jason, oui, c'est votre voyage annuel où vous allez plus loin là, de l'année. Vous faites au moins une fois. Oui, on est allé à Bécomo. C'est fou en tout cas. C'est tout un voyage, oui. 5 heures de route, quoi? T'as assez loin. Point 5 à 6 heures. 5 à 6 heures de route, mais les autres le font aussi. Fait qu'une fois par année, c'est pas si grave que ça, là. Ouais, ouais, c'est pas si grave, mais c'est moi, je dirais pas, là. On sent un grand enthousiasme. Il y a aucun enthousiasme. Ouais. Parce que, tu sais, Vicky et Minapekamo, oui, ils sont dans notre ligue, mais enfin, en vrai, il y a un coup que les séries sont là, ils sont plus là. Mm. C'est pas chinois, eux autres, pour eux autres, c'est 32 games d'exhibition. Oui, effectivement. OK, donc... On leur donne ça. Oui, on va y aller. Donc, David n'aimait pas ça non plus, à la Bécomo. Donc, dans le premier match, défaite de 6 à... dans le premier match, c'est-à-dire victoire du Marcos Pub. Oui, 6 à 5, oui. Donc, si on y allait avec ce match-là, en résumé... On a connu un bon match, là. On a peut-être connu peut-être les 2-3 dernières minutes de jeu, là. On venait 6-3. On a connu un petit relâchement. Notre gardien n'a peut-être pas fait plus les arrêts qu'en ce temps, là. Mm. On est sorti de là avec une petite victoire, là, de 6-5, là. OK. C'est vrai que l'arbitrage est très, très, très, très, très ordinaire. C'est des arbitres locales, qui sont là? Oui. OK. C'est assez ordinaire. OK. Donc, dans le match. C'est oh, monsieur, tu étais potent. Michael Boivin, 2 buts, une passe. Vincent Gagnon, 2 buts. Aussi, 1 but de Alexis Bradette. Et ça fait pas mal le tour pour le Marcos Pub de Saint-Félicien dans sa victoire. Et dans l'autre match? L'autre match, une défaite de 6-5. Là, on tirait de l'arrière 4-0 là, en milieu de deuxième période. Donc, l'arbitrage nous a pas aidé. Là, on y a de rire. Ils ont tout donné de notre côté, sans rien donner de l'autre côté. La marre de pognée, comme on pourrait dire, je me suis fait expulser. À partir de là, les joueurs se sont retouchés, les bandits. Mm. Puis on est revenu à 5-5, on a perdu en prolongation. Vu qu'on avait perdu notre point frangé, on jouait la période de prolongation là à 3 contre 4 pendant 5 minutes. Ça a été difficile. Il restait 27 secondes quand on scorait. En fin de prolongation pour donner la victoire aux Vikings. Donc une victoire... L'arbitrage est très, très ordinaire. Oui, victoire de 6-5 des Vikings de Bécomo. En fait, c'est même, vous êtes ici de Boom Sesni pour le tournoi du CFP. Ouais. Comment tu abordes ça? Dans quel état d'esprit tu abordes ça? C'est sûr qu'il y a eu un retrait d'équipe là, au début, début de février. Donc, c'est sûr que c'est plus plate un petit peu. Là, on était supposé jouer 3 matchs en préliminaire. Hein, c'est rendu juste à 2. Donc, ensuite de ça, t'as cette classe-là pour les qualifications. En tout cas, on va voir. Là, on joue contre les Orioles jeudi soir. On joue contre l'équipe de l'extérieur là, samedi, okay, contre Laval-Nord. Okay. Donc, on s'attend à jouer samedi soir ou dimanche matin. Là. OK. Dans ce tournoi-là, il y a juste 5 équipes. Là, ça ne devrait pas être très difficile que ça, là, jouer dimanche matin, là, demi-finale. Là. OK. Contre peut-être les Castors, qui sait. Ouais, peut-être. Qui sait, ouais. Jason, on s'en reparle la semaine prochaine? Oui, pas de problème. OK, donc c'est la chronique du Marcos Pub de Saint-Félicien avec Jason Lejeunesse.